rayons de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Hola, bon dia la planète, la famille. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une agréable nuit. Que tout est tout au bain ce matin. Bah, côté ciel, je peux vous dire, ça caille un petit peu au lieu du jour, à 2 petits degrés. On ne dépassera pas les 16 degrés. Pas mal de brouillard, soyez prudents sur les routes. Hein, si vous prenez la route du job ce matin, ou alors les départs en vacances, peut-être encore pour vous, du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray ou Saint-Jean-de-Blanc. Il y a beaucoup de brouillard sur les petites routes de campagne notamment. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne matinée, bon petit déj. On était à Orléans, merci d'être aussi nombreux le matin à nous écouter. José qui est déjà connecté, salut Francky, belle journée à toi, je vais au taf, je commence à 7h15. Eh ben, bon courage mon ami José. Mon pote qui arrive, c'est Grégoire, et c'est quand? Ben, c'est tout de suite, Bandi à la planète. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, ou vous réveil. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. C'est quand que tu viens, c'est quand que tu passes, c'est quand que tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens on se casse, c'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. Dans combien de temps? C'est quand t'arrives et que tu me dis, allez viens, viens maintenant c'est le moment, dis-moi c'est quand? C'est quand? Quand, quand, quand, quand? C'est quand que tu m'emmènes, c'est quand que ça commence, ça s'unit cette rengaine en missile de mon cœur en vacances, c'est quand que tu m'emmènes. C'est quand le départ, c'est quand qu'on se promène sur une plage à la tombée du soir, c'est quand tu décides, c'est quand que tu oses, c'est quand le sublime, nos deux corps enlacés sur des pétales de rose, c'est quand je veux y croire, c'est quand tu m'enlèves, c'est quand notre histoire, et c'est quand le conte de fées dont on parle dans les rêves. C'est quand t'hésites plus, c'est quand l'éternel, même si on se plante pas grave, je suis déjà perdu, c'est quand tu m'emmènes, c'est quand le bonheur, c'est quand que tu m'aimes, c'est quand que tu m'aimes. C'est quand tu passes, c'est quand tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens on se casse, c'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres. Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Oh, te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores, seamos eternos, solo esta noche. Yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos ya no estamos de todo. Amigos con derecho y todo tu despecho, te los quitas con venga. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Hacia la juguetona, como que no quieres la cosa. Me tiraste una mirada misteriosa. Yeah. Mátame, con esa boquita embriágame. Con tu cuerpo ven, sedúceme. Quitémonos ya la ropa, que así desnuda te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady. Yo soy tu mamá, baby. Amigos con derecho a tu buen provecho. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores, seamos Frankie dans la radio et ça vous adorez. Rek, Maluma, Bandi à la planète et la famille. Son rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Frankie sur Radio Arc-en-Ciel. Ah oui, puis on donne la météo. La météo. Allez, comme je vous le disais, à 7h du mat, le ciel est couvert et nuageux ce matin. Pas de soleil au programme par rapport à hier. Il a fait super, vraiment super beau aujourd'hui. Beaucoup de nuages, malheureusement. Les températures au lever du jour, 2 petits degrés, 1 degré. Mais ça va monter crescendo tout au long de la journée pour voir dépasser les 15, voire 16, voire 17 degrés sur Pithiviers, Fayolles ou encore Orléans, où vous nous écoutez sur le 96.2 FM. 8h30, on sera au téléphone avec Alex Lebail. Hier j'ai appris une super nouvelle, et bien il sera avec nous au téléphone, le chanteur orléanais, le rocker orléanais qui fera la première partie du grand groupe d'Olivet, La Jarry. Ça sera le 1er avril à l'Alliage. Ça va être du lourd, très lourd, et je peux vous dire ça va être du énorme sur scène, parce que il a le trac en fait, c'est sa première avec un grand groupe comme La Jarry qui tourne au Canada, aux États-Unis. Et bien il est fier, le petit Alex Lebail. On l'aura au téléphone pour nous parler de tout ça. Et puis côté Portugal, un peu de tendresse et de douceur dans ce monde de brut. Larissa et premier baiser. Bandia. 7h10. Sous le clapotis, je tente d'allumer ma clope. Voilà nos derniers mots. Toi et moi, c'est la fin. Yeah, bébé, le mal est fait. Il faut changer de tempo. Clap final, allez, bye bye. Le film est terminé, on a perdu la bataille. Même si t'étais tout pour moi.

les années passent et plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. Tout semble faux, j'en perds mes absence, je t'attendrai encore, encore et encore, j'attendrai que tu rentres. Je t'attends comme si t'allais rentrer, tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter, tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, mais de ma mémoire tu disparais. Je t'attends comme si t'allais rentrer, tu vas me manquer, tu vas me manquer. Gims, 7h17 sur Radio Arc-en-Ciel, vous êtes nombreux à nous rejoindre ce matin, vous êtes en mode vacances peut-être, ou alors au taf comme Eleonore qui va travailler ce matin, et puis Arminda qui nous écoute aussi sur le net, Shakira, Bandeja, en direct ce matin, 96.2 FM. Siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que me Cita que bien actúas. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Cuando yo la vi, FM en direct ce matin avec le roi du reggaeton, Daddy, Yankee et tout le monde, là, Archangel, Xermato, le meilleur du son pour bien vous réveiller avec Bad Bunny aussi. J'adore cette fille, elle s'appelle Sarah, hein, vous allez voir sur, sur YouTube sa chaîne. Elle fait plein de reprises version French et là on adore, c'est la version de Ed Sheeran. Et perfect, bon dia et bon réveil sur le 96.2 FM avec Sarah H. C'est ce que dit Sharon, la version French, on l'adore. La petite Sarah H ce soir, bah oui, vous, allez voir sa petite chaîne YouTube, vous allez voir, vous allez halluciner, elle fait plein de belles choses. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière note, c'est Francky dans la radio. Le meilleur des souvenirs pour vous sortir du lit. Ah ouais, à l'ancienne, histoire de vous rappeler des bons moments dans les années 80 avec ce groupe qu'on adore sur la française Cockromin. When your heart is awake, histoire de vous réveiller tout en douceur, peut-être en mode vacances. On nous écoute à l'Alpe d'Huez, sur internet aussi. Bonjour Elodie et bon réveil. J'adore ça, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. 7h28, je vous accompagne au bureau peut-être ce matin sur le chantier. Chauffeur livreur aussi, il y a David qui vient de m'envoyer un message là sur le Facebook. Salut Francky, je vous livre vos colis ce matin. Bah préparez-vous du côté de Main-sur-Loire, Beaugency. Donc peut-être que David va sonner à votre porte aujourd'hui. En tout cas, bon courage mon David. Et si vous voulez passer un message, bah, vous m'appelez 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Je vous parle de la soirée du 22 avril avec Radio Arc-en-Ciel. C'est la grosse soirée, le bal révolution des œillets. Ça sera le 22 avril. Et je vous en parle tout de suite. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Le rayon de sol dès 7h du matin, je suis là pour vous réveiller, vous donner la bonne humeur et le smile aussi, surtout c'est super important. Le 22 avril, le bal révolution des yeux, la Radio Arc-en-Ciel fait sa grosse soirée, ce sera à Montission, à Saint-Jean-le-Blanc, avec en première partie Capanègre hein, qui seront là, et puis le chanteur, alors j'espère que je vais bien le dire en portugais, Jorge Guerrero, voilà, il sera sur scène et plein de tubes avec lui, d'ailleurs on va l'écouter dans moins de 30 secondes sur scène, donc je vous rappelle le 22 avril, le bal révolution des œillets, c'est à Saint-Jean-le-Blanc, avec Capanègre en première partie, on sera là nous les animateurs, enfin moi peut-être, j'espère que je serai là pour vous signer des autographes comme d'hab. En tout cas je suis heureux de vous revoir. du son qui arrive. On aura Dadju pour le meilleur des souvenirs, un nouveau Kinvé qui arrive de parfum. Et puis il sera sur la scène le 22 avril, Solo Portugal avec George Guerrero sur Radio Arc-en-Ciel. Passez une bonne matinée, la familia. No Face e no WhatsApp e nem resposta vou. Eu quero que venhas para junto de mim. Faz as malas, regressa, eu espero por ti. Preparei a surpresa e aquele jantar. Vem, quero te abraçar. Hoje se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza, o teu jantar de sonho será servido e um prato de amor tens na minha mesa. Hoje se não vieres vou jantar sozinho, mas de uma coisa podes ter a certeza, o teu jantar de sonho será servido e um prato de amor tens na minha mesa. Sentado à lareira, relembro a vida inteira ao teu lado, amor. Não sei aonde estás, mas quero imaginar que estás aqui, amor. Faz a viagem, caminha de volta. Entra em casa sem bater na porta. Preparei a surpresa. Vem, quero te abraçar. Hoje se não vieres vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza, o teu jantar de sonho será servido e um prato de amor tens na minha mesa. Hoje se não vieres vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza, o teu jantar de sonho será servido e um prato de amor tens na minha mesa. Du bien ça, 7h35 minutes, le son de George Guerrero. J'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation, hein, je voulais m'excuser. Salut à Nicole qui nous écoute du côté d'Orléans. Salut Nicole, belle journée à toi. Nicole, retraitée maintenant, bah ouais, on est là, tranquille. Mois de vacances aussi pour Steph qui est du côté de Saint-Privé-Saint-Mémin, qui nous écoute sur le 96.2 FM. Nicolas qui est là aussi. Salut Francky, belle journée. Et on sera là le 22 avril à la fête des œillets. Ouais, à Saint-Jean-le-Blanc, je vous rappelle la date, hein. Ça va être énorme. Mais du son qui arrive, on m'a demandé l'eau Portugal juste après, ça arrive. Et Kinvé, le nouveau, ne part pas, pas tout de suite en tout cas, je pars à 9h, ça c'est sûr. Voici Kevin, Kinvé, c'est la famille. Je suis prêt à faire n'importe quoi, je peux perdre tout le monde, mais pas toi. Oh non, ne pars pas, s'il te plaît, reviens-moi. Je suis prêt à faire n'importe quoi, je peux perdre tout le monde, mais pas toi. Oh non, ne pars pas. J'aime pas les frontières que tu délimites. J'ai tant besoin de toi. Je te veux à mes côtés. Tu m'en veux tant d'avoir fauté. Oui, pardonne-moi. De t'avoir mis sur le côté. Ta douleur, laisse-moi la ôter. Oh bébé, fais-moi confiance. Mes mots prendront un sens. Laisse-moi juste une chance de te le prouver. Oh non, ne pars pas, s'il te plaît, reviens-moi. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Je peux perdre tout le monde, mais pas toi. Oh non, ne pars pas, s'il te plaît, reviens-moi. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Je peux perdre tout le monde, mais pas toi. Nous

Janjão. Quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só Janjão. Tu dizias que me morras, que me adoras, baby. Era só Janjão. Quando tu dizias para pedir a tua mão. E o que faço eu? Se não tenho o teu carinho. E o que faço eu? Honesta não, muito menos franca. Que tamanha hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas tu investe nos bens. Mama matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de binguilé. Vou tirar o pé, já se pererê. Pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão. De princesa para rainha. Eu não mereço, eu não mereço. Me desculpe pelo amor de Deus. Sabes que eu amo o teu coração. Eu não mereço, eu não mereço. Juro, eu não mereço. Foi muito pior que a bala do canhão. Me dizes a rainha do chão. Eu não mereço. 7h45, Radio Arc-en-Ciel 96 FM. J'étais en train de chercher de quel pays il arrivait, l'Angolais, Master Jack avec Jar Jar. Attention, c'est une recette de cuisine, ça. En tout cas, on l'adore le matin sur Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue à vous, vous êtes en direct. Il sera avec nous au téléphone avant 9h. Il m'a promis, il m'a envoyé un petit message. Il fera le 1er avril, la première partie de l'Algérie. Les Orléanais seront sur scène avec Alex Le Bail. Écoutez, vous l'adorez le matin. Et puis nous aussi, on l'a découvert la première fois sur les grosses radios internationales. Et la première fois, la toute première fois, il est venu chez nous. Voici mon pote Alex Le Bail. Écoutez. Vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. Comment m'ouvrir à ce désir de dévoiler un jour notre avenir? I come back, babe, but I will find a song again. Aujourd'hui premier sera à mes côtés, unis, soudés, plus que jamais. Si tu savais toutes mes envies, que plus jamais je ne te fuis. Comment mourir à ce désir, se dévoiler un jour notre avenir. I can't explain the love we find a song again. I can't explain the love we find a song again. I can't explain. J'adore ce mec, 1er avril à Olivet, la première partie de La Jarrie, ça va être énorme. Alex Le Bail, ça c'est la famille, hein. Hier soir ils m'ont mis un petit message personnel pour me le dire. Et là c'est l'exclusivité, on l'aura au téléphone avant 9h. Promis, clic, clic, pompant. Ça c'est le truc de l'été où vous avez dansé pendant tout l'été au bord de la plage avec un cocktail, sans alcool bien sûr. Voici Yanns sur l'arc-en-ciel. Bon réveil et belle journée. T'es la plus belle des étoiles, parmi les autres je vois que toi. Si tu te sens seule, dis-moi, il reste une place auprès de moi. Le projecteur sur toi, c'est vous. Tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle. Comment j'aurais fait pour pas te voir? Je sais que le passé c'est le passé, mais entre nous je peux pas dire ce qui s'est passé. Je voudrais pouvoir rattraper le temps pour que tu parles. Dis-moi qu'est-ce que j'ai fait, bon sang. Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang. Je sais que le passé c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais je viens parano des fois. Quand je reste seul, direct je pense à toi. Et ça fait clic, clic, clic, pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, j'sais pas ce qui s'est passé. J'repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, y'a plus de nous. J'fais mieux t'effacer. J'sais pas à quoi tu joues, mais j'peux pas oublier le passé. Chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou. J'sais pas ce qui s'est passé. J'repense à toi chaque jour. J'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'y a plus de nous. J'ferais mieux de t'effacer. J'sais pas à quoi tu joues, mais j'peux pas oublier le passé. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Oh. Fille de pauvre merde. Já são 7 horas, estou atrasado. Para ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho à demora. Nunca atacado, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. para ganhar notas todas esperadas. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho, a demora nunca é sacada. Chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que eu levo ver. Gosto do fim de semana. Adorer le matin du Portugal, Marquito Bandeira, Lusitano, 7h54 minutes. José qui est là, salut José Carlos aussi qui est connecté, salut Francky, belle journée. Le taf dans moins de 5 minutes avec le son du Portugal, ça fait plaisir. Bah oui, mon ami, on est là. C'est beau au Portugal en ce moment, apparemment. Il y en a beaucoup qui sont partis là-haut, hein. C'est de la vacances normale. Rio Bandeira, mais vous l'adorez aussi le matin, ça vous réveille au petit-déj, sous la douche peut-être. Passez une agréable journée. C'est Rio Bandeira. ça passe tellement vite, il y a déjà 7 ans, dis donc. Oh là là, bientôt 8 heures, l'horoscope carrément dans moins de 5 minutes. Vous êtes peut-être encore dans la chambre, comme dit Kiam, en Mekama, ça arrive. Et vous l'adorez le matin. Voici mon poteau, ça. Ah, Mekeyam. Bientôt 8 heures sur Radio Arc-en-Ciel. Coucou à Bernard qui vient de se connecter. Salut Francky, belle journée à toi. Merci mon ami, toi aussi. Nikiam and Mekama. Dans la chambre, pas encore. Au lit, sous la douche. Allez, on se lève au boulot. Ouais, tu le sais que t'es dans la chambre encore. T'es à la bourre, t'es là dans le lit, tu te dis bon, encore 5 minutes, encore 3 minutes, et puis là, t'es à la bourre, tu speed, bah ouais, c'est normal. En tout cas, on est là pour vous réveiller ce matin pendant les vacances scolaires. Ça fait du bien de vous retrouver tous les jours, 7h, 9h. Elle serait au sol, Justin Quiles. Il sera au téléphone avec nous à 8h30. Alex Lebaille, l'Orléanais, qu'on a écouté tout à l'heure. Il va nous raconter un peu ce concert du 1er avril. Ça va être énorme, je peux vous le dire. Elle rouillonce dans le sol. C'est caliente aujourd'hui. Pas de soleil, mais la musique est là. Termina. soy loco cuando lo muevo así. Duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo muevo así. Duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres. 8h04 minutes en direct ce matin, 96 FM. Ça donne envie de danser, ça, un petit peu. Peut-être que ce week-end, vous avez fait la fête dans les clubs, dans les bars. On vous souhaite une bonne matinée. L'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. Et l'horoscope, on démarre avec les béliers ce matin. Les béliers, une dispute suivie d'une réconciliation sont à prévoir. Ne vous en faites pas, ce sera un mauvais moment à passer, mais la stabilité de votre couple ne sera pas menacée. Les taureaux, votre partenaire pourrait se faire très distant ce matin. Les gémeaux, vous serez en mesure de renforcer vos liens de complicité avec la personne qui partage votre vie. Ah, bien, les cancers, alors on passe aux choses sérieuses. Le calme et la sérénité aideront votre couple en ce moment. Profitez des bons moments. Allez-y, foncez, allez de l'avant. Pas mal les cancers, pas mal, pas mal. Les lions, vous aurez une chance insolente si vous êtes seul en ce moment. Les vierges, vous aurez à cœur de créer une ambiance chaleureuse au sein de votre foyer. Alors foncez ce matin les vierges. Les balances, ce sont les relations amicales qui sont à même d'apporter de belles satisfactions aujourd'hui. Les scorpions, ne bousculez pas trop les habitudes. Votre train-train quotidien n'est pas de très bon augure en ce moment. Les sagittaires, vous vous investissez davantage dans votre relation, mais on vous reprochera votre manque de romantisme en ce moment. Les capricornes, vous aurez du mal à engager une discussion sereine avec votre partenaire. Les verseaux, célibataires, peut-être serait-il souhaitable de ne plus ressasser vos erreurs du passé. Hein, peut-être une rencontre aujourd'hui, hein, les verseaux à la machine à café. Et les poissons, pour terminer, vous vous sentirez d'humeur sentimentale, vous laisserez pleurer à vos émotions aujourd'hui. Des émotions plein la tête aujourd'hui avec le meilleur de la musique pour vous réveiller tout en douceur. Si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Privé, Saint-Jean-le-Blanc, Savran, je vous souhaite une agréable matinée. Louis Bertignac, les visiteurs ex-membres du groupe Téléphone et vous adorez ces idées-là. Belle journée, Bandia. Des cendriers tous renversés, des heures passées devant la mire de ma télé, des nuits sans dormir à me demander où tu peux bien aller. Pour pas me laisser traîner là. vous adorez le matin, c'est mon coup de cœur aussi. Bah ouais, Louis Bertignac, ex-membre du groupe Téléphone, je vous le disais. Sa petite amie, elle est partie, elle est toujours pas revenue, bah voilà, et donc il serait désilé, le pauvre. Ah là là, l'amour, toujours l'amour le matin. À 8h10, coucou à Virginie qui nous écoute dans la voiture. Salut Virginie, passe une agréable journée sur le 96.2 FM et le son de Portugal. Eh ouais, Alex Le Bailly au téléphone avec nous à 8h30, à ne pas louper, surtout mon poteau. Et celui-là, vous l'adorez, Toy! Toy, toy, toy. Moi j'aime bien, ça me fait marrer. Voilà. Bon dia, la planète, et courage pour vous. Si vous êtes au bureau, sur les chantiers, là, on pense à vous. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite, toda noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite. Se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade, por isso vem, sabe bem, se liga o que a gente tem a fluir. Vai sentir o calor no corpo a subir, e esta noite até me cansar toda noite, toda noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite, toda noite. Oh, oh, oh. Não tenhas vergonha e sai sozinha. Esta noite tu vais ser a rainha. Põe um salto alto e um sorriso. É desse teu jeito que eu preciso. Por isso vem, sabe bem, formigueiro que a gente tem a fluir. Vai sentir o calor no corpo a subir. Esta noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite, toda noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite, toda noite. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mas eu não sei se tu pões no face aquelas fotos que tu tiras em figuras muito giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite, toda noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite. Si j'ai bien compris, il veut qu'on danse toute la nuit, qu'on s'embrasse toute la nuit, qu'on fasse la fête, quoi. Toy, vous l'adorez, sur Radio Arc-en-Ciel. Coucou à Steph qui est connecté là. Salut mon Francky, belle journée à toi. Bah ouais, mon ami, le meilleur de la musique le matin, comme ça, pour vous emmener à la porte du bureau, je dirais même, avec Alicia Keys. No one, non, personne, personne. Quelle voix. Moi j'adore, c'est la fin quand elle crie comme ça là. Alicia Keys, No One, non personne, 8h17, le fil du monde justement. Merci d'être là sur la tangentielle, ça va, ça roule plutôt pas mal ce matin, la météo qui arrive. Et puis je vous le disais d'écouter sur YouTube par exemple la chaîne de Sarah H. Elle fait plein de reprises en version française. Ellie Goulding, une reprise encore de Sarah H. Vous l'adorez aussi le matin. Et ça fait du bien d'écouter ça tranquillement quand on va au boulot, sans en déconner. Tranquillement. Ellie Goulding, la version French de Sarah. C'est l'amour qui vraiment je crois, sans savoir qu'un jour ce serait toi, oui toi. Leur folie, je m'en fous, avec toi je suis si bien, à deux on est en tout, je veux que tu m'emmènes aussi loin, que je n'imagine jamais la fin. Comme tu sais, aime-moi comme tu sais, aime-moi comme tu es, aime-moi comme tu es, touche-moi comme tu sais, touche-moi comme tu sais. Ne perdons pas de temps, le temps passe et revient, mais tout me paraît si clair. J'ai perdu trop de temps. Tenter de peupler ce désert qui si souvent éteint ma lumière, lumière. C'est toi qui mène la danse, malgré ce qu'ils en pensent. Et j'ai le cœur qui tente. Reprise en version French, Ellie Goulding, Love Me Like You Do, Sarah H, allez voir sa chaîne YouTube, c'est énorme. La météo. Et aujourd'hui, soyez prudents, hein, ce début de matinée, pas mal de nuages sur les routes. Bon, les nuages, c'est pas très grave, mais il y avait pas mal de brouillard en campagne aussi. Hein, donc les températures, ce matin, 2 degrés au lever du jour. On va frôler quand même les 15, voire 16 degrés. Par contre, par rapport à hier, le soleil ne sera pas présent sur Orléans, Saint-Jean-le-Blanc ou encore Olivet, dommage. Demain, mercredi, jeudi, on annonce de la flotte. Ouais, pas terrible. Par contre, samedi, dimanche, la bonne nouvelle. Alors samedi, un week-end plutôt pas mal. Et dimanche, un week-end plein de soleil. Si ça, c'est pas de la bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle, le 22 avril, le bal des œillets de la radio, ça sera à Montition, la première partie Capanègre, et puis il sera sur la scène de Radio Arc-en-Ciel le 22 avril, à Montition avec Capanègre juste après. C'est George Guerrero qu'on adore avec Danza Conmigo, 22 avril à l'espace Montition. Ça va être du très très lourd pour fêter la révolution des œillets avec Radio Arc-en-Ciel. Ça sera en direct, George Guerrero. J'espère que je le prononce bien. Sinon, désolé, vous m'appelez, vous me dites les modifs. Hein. On est en direct. Não desesperes, tem paciência. Não custa nada, não tem muita ciência. É só entrar no balanço, no ritmo dos tambores. Não te vou dar descanso, vou ser o teu condutor. Mãos para cima, mexe a cintura, dança comigo.

La la la la la. Bah oui, on va s'aimer. Et l'invité, il arrive. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et on le fait lever de bonheur ce matin. Alex Le Bailly au téléphone avec nous. Bonjour Alex. Salut Francky, salut à tous les auditeurs. Ça va? Pas trop dur le réveil? Non, ça va, ça va. Hier, j'étais au resto tranquille et j'ai reçu un petit texto de ta part, ça m'a fait plaisir. Enfin, un petit message, hein. Bah ouais, ouais, non, mais il y a plein de choses qui se passent. Comme tu sais, il y a l'album qui sort. Et ouais. En milieu, fin d'année, à partir de septembre. Quel bel album. Voilà, et puis on va voir un mois d'avril du tonnerre. Parce que... Surchargé, on va dire. Ouais, j'ai la chance de faire la première partie de la Jarry à l'Alliage à Olivet. Ah là là, ça va être du lourd. Hey, aujourd'hui, je vais appeler Benoît. Je te le dis, Benoît, on est des amis. Je vais appeler Benoît tout à l'heure, là, et je vais lui dire que faut que tout le monde vienne à la radio un matin, là, hein. Voilà, là, ça va être le grand moment, une grande fête. Et, ouais, ouais, on va se prendre. Bah, je compte sur tout le monde pour venir et me soutenir, parce que du coup, t'as peur. Tout seul sur scène. ça fait peur un peu, non? Bah, moi, la Jarry, on les connaît, hein. Ils bossent un peu partout, sur la planète. Ils vont beaucoup au Canada, aux États-Unis. Ils ont tourné un album, justement, dans l'Abbey Road, c'est où enregistraient les Beatles, hein, quand ils étaient en Ouais. Et, franchement, c'est un groupe de rock. Ils sont en Allemagne, ils sont partout. Et c'est des potes, hein, déjà, à la base. Et, Bah, je serais content de vous recevoir tous à la radio, là, hein. Ouais, mais avec plaisir. Avec plaisir. Ça va être bien. Tu vas nous préparer un gros spectacle alors. Ouais, bah du coup je vais jouer les morceaux du nouvel album, donc ce sera vraiment une grosse exclue. Mmh. Et je profiterai de cette salle-là. Mais je compte sur tous les Orléanais, les Orléanaises. Moi, promis, je viendrai. Hein, parce que je sais que c'est un samedi, mais je vais me libérer un petit peu là pour venir voir ça. Hein. Ah, ouais. Je crierai Alex. Ah ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que je me rappelle encore il y a 3 ans quand je chantais à ma fenêtre, un petit peu comme plein de gens faisaient. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Et puis, j'aurais jamais cru dire je sors un deuxième album, plus la première partie de la Jarry, etc. Donc, tout ça, je le dois à tout le monde, hein. Je le dois aux auditeurs, aux spectateurs, aux personnes de la radio comme toi. Enfin, ça fait plaisir. C'est juste une très belle expérience et ça continue encore une fois de plus et ça va aller encore plus loin. C'est clair, ça va aller même loin. Quand tu feras l'Olympia, tu nous appelleras, hein, tous les rapports. Oui, ah bah oui, oui. J'irai dans les loges, me la péter un peu avec toi, on se boira une petite coupe. Voilà, c'est ça. En tout cas, le 1er avril à l'Alliage, la première partie de la Jarry, ça va être grandiose, hein. Déjà, la Jarry, il ramène du people, mais toi, tu vas ramener aussi ton petit public et puis on verra te soutenir, hein, comme la Jarry d'ailleurs, hein. Bah oui, oui, il y a intérêt, hein. Ah bah moi promis je serai là, hein, je serai là, ça, je vais venir voir mon Alex sur scène là, faut que je voie ça, attention, là ça va envoyer. Ah donc on a ça le 1er avril et puis après du 19 au 23 avril, vrai je l'avais pas annoncé encore mais je vais l'annoncer cette semaine donc je peux le faire en exclu pour avoir quand même. Pour l'instant j'ai 6 scènes de prévues sur le printemps de Bourges, donc c'est du 19 au 23 avril pour ceux qui sont du côté de Bourges. Ouais. Et ben, vous pouvez venir me voir. Sur les scènes placées au cours, etc., à l'intérieur du printemps de Bourges. Ouais, ça va être bien. Et puis nous, on avait prévu aussi de faire une fête de la musique à Changy, avec toi sur scène, avec deux groupes. On va faire du bruit à Changy, hein, sur le parking. On va essayer de faire un truc sympa pour la fête de la musique avec Alex Le Bailly en première, en VIP, quoi. Ça va être énorme. Enfin, si t'es encore abordable. Ah oui, toujours. Mais je sais bien, à mon avis. On va s'écouter heure après heure. Et j'adore. Ouais. Ce titre que vous adorez aussi le matin, que je joue régulièrement, hein. Et le clip a été tourné à Orléans. Ouais, allez voir sur, je vous le dis, là, les auditeurs, vous êtes dans les bagnoles, là. Vous tapez heure après heure sur YouTube et vous allez voir, le clip est tourné à Orléans. Il y a ton fiston qui est dedans. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Un super clip. Moi, j'adore. Voilà. Bon, Alex, merci de nous avoir consacré ces quelques petites minutes le matin. Je sais que c'est pas facile le matin, mais bon, nous, c'est le matin. Merci pour tout, en tout cas. Et puis bonne journée à tous, sous le soleil qui va arriver, là. Ok, ma poule. Pas encore, il y a du brouillard pour l'instant. Hein. Ça se lève. Ça se lève. Bon, c'est bon, alors. Merci, Alex Le Bailly. Merci beaucoup, et puis bonne journée à tous. Bonne journée, voici heure après heure. C'est le son d'Alex Le Bailly sur la... est énorme. Le 1er avril, il sera en première partie de la Jarry. Ça va être à Olivier Laliage. Monsieur Alex Lebaille, c'est notre ami à la radio, on l'adore, hein, ouais, on le suit depuis le début. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir eu au téléphone ce matin, le meilleur de la musique, pour bien vous emmener au bureau ce matin, à la porte du chantier peut-être, ou alors en mode vacances tranquillement, dans les écouteurs, le son de Radio Arc-en-Ciel. Avec le roi de la soul music, monsieur Barry White, My First, My Last, My Everything, 8h38, belle journée, bon courage à vous pour le taf, la météo qui arrive, et puis on aura aussi George Guerrero, j'espère que je le prononce bien, qui sera à Montition le 22 avril, il arrive. We've got it together, baby. Il y a plus de 15 ans, ça passe à une vitesse, franchement. Monsieur Barry White, s'il vous plaît. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et je vous rappelle cette belle soirée de la radio, le 22 avril, la révolution des œillets, ça sera à Montition. La première partie sera assurée par Capanègre, et puis lui, il sera sur scène, George Guerrero, qui arrive à ne pas louper. 22 avril à Montition, la révolution des œillets, le bal de la radio, ça va être énorme. La première partie par Capanègre, puis lui, sur la scène, il va tout casser, j'en suis sûr. Voici George Guerrero. Medo de perder, eu, és o meu prazer. perto de mim, fica ao pé de mim. Tenho medo de te perder. Tua maneira de amar dá-me vida, satisfaz. Estando longe ou perto, dá-me tudo, dá-me paz. Assim não há coração que aguente com este desejo de seguir em frente. Quero-te ao pé de mim, quero-te ao pé de mim. Tu és o meu prazer. Fica ao pé de mim, fica ao pé de mim. Tenho medo de te perder. O meu prazer. Em cada beijo teu, embriago-me com ternura. Assim não há coração que aguente com este desejo de seguir em frente. Quero-te ao pé de mim, quero-te ao pé de mim. Tu és o meu prazer. Fica ao pé de mim, fica ao pé de mim. Tenho medo de te perder. Vous allez le chanter ça. Bah, le 22 avril, l'espace Montition, la révolution des œillets, Radio Arc-en-Ciel sera là avec en première partie Capa Negra, une belle soirée à ne pas louper, organisée par cette belle Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM, la Familia. Puis aujourd'hui c'est Mardi Gras, alors profitez. Allez, allez, faites sauter les crêpes. Bah. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. et dérisoires armes lorsqu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur, puisque ta maison aujourd'hui c'est l'horizon dont ton exil essaie d'apprendre à revenir, mais pas trop tard. Quelle belle chanson, quelle belle reprise de Jean-Jacques Goldman. Bah oui, vous avez dit, bah c'est qui? C'est pas Goldman ça, non? Il s'appelle Manuel Strasser, il cartonne sur le net, je peux vous dire. C'est une chaîne YouTube aussi qui est impressionnante. 8h51, on est en direct ce matin. Et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver jusqu'à 9h. Ouais, monsieur Laurenceau qui arrive dans quelques minutes. Et de Lomar, dans les doulons. Belle journée, bon courage à vous si vous allez bosser aujourd'hui, il est 8h53, on est en direct, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin, Dandale. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bon dia, je salue, il y a M. Laurenceau qui vient d'arriver, ça va M. Laurenceau? Ça va. Complètement. Oui, bah il faut, hein. Bah il faut avec ce beau temps qui commence à arriver, t'as vu, hein. Hier, il a fait magnifique hier, hein. On aurait pu bronzer. Aujourd'hui, il va faire pareil, mais à partir de demain, je crois qu'il y en a plus. Ah, il pleut, demain. Oui, demain. Il pleut jusqu'à vendredi. Oui, je crois. C'est la mauvaise nouvelle pour vous. Par contre, ce week-end, il va être beau. Oui. Ouais. Donc, vous pouvez sortir les shorts, les maillots de bain. Oui, on va aller en short et on va. À la piscine, je vais aller. Au carnaval, non, je vais. Ah, tu vas au carnaval, c'est quand le carnaval? Bah, ça a été dimanche, déjà, jour, et continue dimanche. Ouais, ça continue là, ouais. C'est mardi gras en ce moment. Oui, hein. Il commence aujourd'hui. Tu vas te déguiser, non? Oh non, moi je viens normal. T'es déjà déguisé, toi, t'es déjà déguisé? Oui, je suis déjà déguisé. T'es déguisé en portugais. Ça fait plaisir de te retrouver, monsieur Laurent, comme tous les jours de la semaine. Et voilà, la progression, la musique, c'est quoi ce matin? Un peu de tout? C'est un peu de tout, mais c'est un maniage romantique. Ah, donc ça veut dire quoi? Bah ça veut dire quoi? C'est de musique que si on peut... dansante et doux, voilà. C'est-à-dire on peut... C'est de solo et tout ça. Oui, voilà. On peut faire des rencontres alors, peut-être, avec cette musique-là. Des fois. Ouais. Alors, j'avais une question à te poser, parce que le 22 avril, il y a la fête des œillets avec la radio Arc-en-Ciel, c'est à Montission. Oui. Il y a un chanteur qui s'appelle George Guerrero, ça se dit comme ça ou pas? Oui, c'est George Guerrero. Guerrero. Non, mais j'avais pas m'embrouiller. Oui, voilà. En français, c'est pas facile. Facile en français, hein. Pourtant, je m'entraîne, avec les Portugais, les Portugaises aussi. Bah oui, il faut, hein. J'essaye, c'est parce ça. Parce que nous, on essaye aussi le français, Il faut qu'on sache parler un peu de chaque langue. Eh ouais, c'est ce que je me disais hier, ça fait 7 ans que je suis là, je parle pas un mot portugais. À part bon dia, bonne noite et tout d'obeng. Bah, ça va déjà, Ça va, je me débrouille pas mal. Au moment que tu comprends déjà. Ah, je comprends un petit peu le portugais, ouais. Faut faire gaffe. C'est bien. Ah, je rigole parce que des fois, j'ai des portugais qui sont avec moi, ils parlent portugais devant moi et je pense qu'ils comprennent pas, mais je comprends. Après, ils me disent des conneries, attention. C'est comme nous en français, C'est ça. Des fois, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas bien le français, par exemple, comme moi, ça va, tu maîtrises, toi. Oui, je me commence à mûrir un peu, mais quand j'arrivais et tout, ça a été pas facile. Et là, ça va mieux, ça y est, là tu parles bien, tu pourrais faire une émission en français, même, toutes les... Oui. Ouais. T'es parti au Portugal, un peu, là, pendant les vacances, non? Non. Non, tu repars quand, au Portugal? Peut-être cette année, au mois d'août. Ah, au mois d'août, de toute façon, le mois d'août, les Orléanais, c'est le mois d'août. T'es de quelle ville, toi? De quel côté? À côté de Porto. À côté de Porto. À 30 km. Oh, bah ça va, c'est sympa, toi, j'y étais cet été, là. Où ce qu'ils font le grand carnaval. Carnaval aussi. Et là, ils vont faire le carnaval, là. Oui, ils sont déjà commencé samedi dernier. Non, ça va, je vais me déguiser, je vais y aller aussi, moi. Oui, c'est pour venir, t'es bienvenu. C'est ça que c'est bon, Magda Greita, c'est ça que c'est bon. Voilà. Vamos au chantier ce matin. Oui. Bon, on va te retrouver dans 5 minutes. Oui. A tout de suite, monsieur Laurenceau. Ok, merci. En direct ce matin, et puis, je vous le disais, il sera le 22 avril sur la scène de Radio Arc-en-Ciel. C'est George Guerrero en direct le 22 avril, la fête des œillets avec Radio Arc-en-Ciel, et sur la scène, la première partie, ce sera Capanègre, et puis lui, il va mettre le feu, avec les œillets, il sera là. Ela está de mini saia, já prontinha a sair. Logo pergunto, meu amor, o que se passa? Tu hoje estás uma brasa, onde tu queres ir? Oi, oi, oi, oi, já te tirei o batom. Oi, oi, oi, oi, já dançaste comigo. Oi, oi, oi, oi, o teu sabor é tão bom. A tua lambada leva-me ao paraíso. Pra me comprar.